Édition de l'Avenir présente Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 3. Nouvelle de Worcester. Il y a eu 15 décès en cette cité la semaine dernière. James Gallagher, qui avait reçu des coups de poignard en se battant dans la rue Summer samedi soir, est en bonne voie de guérison. Madame J. Kelly, de Chicago, est actuellement en visite chez sa sœur, Madame F.X.D. Latour, du département français chez M. Mickens. L'agent de police Riley, qui avait reçu des blessures sérieuses il y a quelque temps, lors d'une bataille dans la rue, prend du mieux chaque jour et peut actuellement sortir dans la rue. Les révérendes sœurs de l'école Sainte-Anne de la paroisse Notre-Dame se proposent d'ajouter à leur enseignement des leçons de musique. La rentrée des classes aura lieu dans le courant de la première semaine de septembre. Kirkland M. Fitch, qui s'était sauvé de Warren, laissant un déficit de 80 000 $ dans la caisse de la Seconde Banque nationale, s'est constitué prisonnier à Boston lundi dernier. Il dit qu'il a perdu cet argent dans des spéculations malheureuses sur les fonds publics à New York. Monsieur H. F. Normand, de la maison Ames & Corporation, coin des rues Main et Front, est de retour avec son épouse d'un voyage de récréation au Canada. Les amis du pays natal ont fait partout une excellente réception aux époux normands qui nous sont revenus en bonne santé et on ne peut plus satisfait de leur heureux et charmant voyage. La rumeur portant que des délégués du gouvernement étaient en cette cité signifiant des avis aux établissements mercantiles et industriels quant aux travaux des mineurs et des femmes ayant une durée de plus de 10 heures par jour ou 60 heures par semaine a été fausse et de pure invention. La seule chose faite dans ce sens est une circulaire adressée aux négociants et industriels, appelant leur attention sur les dispositions de la loi. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.